Chapitre 30e. La campagne continue au milieu des divers incidents qui sont les surprises de la guerre. Marche, halte, prise d'armes. Un jour on ouvre une route, un jour on incendie un bois. On étreint la montagne dans un cercle de fer. Mes compagnons supportent la marche comme des chasseurs de chamois. Le vent, la pluie et le froid comme des pionniers. Le nom de la princesse Vassilissa revient parfois dans l'entretien. Celui de Mademoiselle de la Morlaix plus rarement. Tout en marchant, Gilbert jette la fumée de son cigare au vent et fait piaffer son cheval. « Quelle chance! La princesse m'a oublié, » dit-il. Il y a une nuance de regret dans cette impertinence. Un courrier qui est arrivé dans la soirée, porteur d'une lettre de la grande dame, m'a prouvé que je ne me trompais pas. Gilbert a rougi jusqu'aux oreilles en l'ouvrant. Une escarmouche a fait tomber entre nos mains un Français qui combattait parmi les circassiens. C'est un miracle, si on l'a eu vivant. Il a 3 ou 4 blessures, une seule a quelque gravité. Il s'appelle Monsieur de Lorcheril, paraît bien né, et n'a guère que 24 ou 25 ans. Il ne montre ni abattement ni jactance. Les lois de la guerre sont impitoyables. Pris les armes à la main, étranger au pays, il sera probablement fusillé. Mais la chose n'est pas encore faite. Nous avons sollicité et obtenu la permission de garder le prisonnier sous notre tente en attendant qu'on ait statué sur son sort et nous n'épargnerons rien pour le tirer d'affaire. L'autre soir, l'un de nous, Gilbert probablement, qui se plaît à taquiner Henri, a prononcé le nom de Madame de la Morlaix. « Vous connaissez Madame de la Morlaix ?» s'est écrit Monsieur de Lorgeril tout à coup. « Un peu. » a répondu mon fils, et vous, monsieur, la connaissez-vous? Beaucoup. Monsieur de Lorgeril nous a alors appris qu'il était presque parent de Madame de la Morlaix, et de plus son filleul. Des escapades de jeunesse un peu trop fréquemment renouvelées avaient fini par lui aliéner sa famille et tout ce qu'il avait de protecteur naturel. On le fit partir avec quelque argent. On avait certainement l'espoir que je ne reviendrais pas des lointains pays où l'on m'envoyait, ajouta-t-il, et j'ai tout lieu de croire à présent que cet espoir ne sera pas trompé. Le peu d'argent que j'emportais, et l'habitude que j'avais de ne rien faire, ne pouvait pas me conduire bien loin. J'étais la veille de me trouver sans ressources lorsqu'un Polonais, dont j'avais fait la connaissance à Constantinople, me proposa de passer dans le Caucase et d'aller guerroyer contre les Russes. La proposition fut acceptée d'emblée. Au bout du mois, un méchant bateau me jetait, moi, 5e, sur les côtes de la Circassie. Vous savez le reste. Je n'ai pas lieu de me plaindre, puisque malade, blessé, prisonnier, j'ai rencontré des compatriotes. « Avez-vous des nouvelles de Madame de la Morlaix ?» demanda Henri. « J'en ai reçu la veille de mon départ pour le Caucase. Elle me parlait en termes pleins d'affection. Si ma parole n'eût pas été engagée, peut-être ne serais-je pas parti avec mon ami de fraîche date, le Polonais. Elle m'offrait les moyens de retourner en France. » Mais comment reculer quand les dangers sont en avant? Madame de la Morlaix peut être la seule personne qui me regrettera. La seule? Et Mademoiselle de la Morlaix? Ah, vous connaissez aussi Léopoldine? Henri fit un mouvement. Ses yeux cherchent à lire jusqu'au fond de l'âme de Monsieur de Lorgeril. Je serais ingrat, continua le prisonnier, si je n'ajoutais que Mademoiselle de la Morlaix me pleurera sincèrement aussi. Certaines choses qui me reviennent à la mémoire me font supposer aujourd'hui qu'avec une autre existence j'aurais pu prétendre à sa main. Elle avait de l'amitié pour moi et me l'a témoigné en me grondant. Mais elle méritait mieux qu'un fou de mon espèce. Dieu lui donne un mari qui la vaille. Mademoiselle de la Morlaix est une femme qui a pris tout ce qu'il y a de bon dans la femme. Les yeux d'Henri ont rencontré les miens. Vous le voyez, semblait-il dire, tout me la rappelle. Nous sommes à 1000 lieues du château qu'elle habite. Et la voilà vivante au milieu de nous. Henri s'est rendu auprès du prince B et a plaidé la cause de Monsieur de Lorgeril avec tant de chaleur, d'émotion, de sincérité qu'il a obtenu gain de cause. « Votre Français aura la vie sauve, » a dit le prince. « Au surplus, je puis bien en laisser partir un lorsque j'en garde 4. » Il était convenu que Monsieur de Lorgeril resterait prisonnier jusqu'à son complet rétablissement, puis qu'un matin il s'échapperait sans bruit. Il engagerait seulement sa parole de ne plus porter les armes parmi les circassiens. En donnant cette bonne nouvelle à M. de Lorgeril, Henri était rayonnant. J'imagine qu'il pensait moins aux blessés qu'à Mademoiselle de la Morlaix. Étrange préoccupation qui me fait rêver aux idées mystérieuses dont Henri m'a si souvent entretenu. Monsieur de Lorgeril nous exprimait sa reconnaissance en termes simples. Peu de mots, mais l'accent y était. Il a écarté la toile de notre tente d'un geste vif et a regardé au loin de l'air d'un homme qui ne croyait plus revoir ni le ciel ni la terre. Il est convalescent de ses regards. Il a promis tout ce que nous avons stipulé en son nom et tiendra sa promesse. « Est-ce que je ne vous appartiens pas ?» nous a-t-il dit. Il a été décidé entre nous que dès qu'il serait en état de continuer sa route, M. de Lorgeril monterait à cheval et voyagerait au loin pendant un assez long temps. Il a le sentiment que l'air de Paris lui est mauvais. Plus tard, il verra. Je l'ai trouvé dans la soirée en grande conversation avec mon fils. Léopoldine leur sert de trait d'union. M. de Lorgeril, qui a passé la nuit à écrire, nous a quittés ce matin. Il a remis à Henri une longue lettre pour Madame de la Morlaix. Son projet de parcourir la Perse et les Indes. Il veut dépouiller le vieil homme et rentrer à Paris guéri ou n'y pas rentrer. Une certaine tristesse s'est glissée dans nos adieux. Dans ces pays lointains, un ami qui s'en va, c'est presque un ami qu'on perd. Cependant, nous a-t-il dit, je vous dois tant que vous ne pourrez pas m'oublier. Nous voilà maintenant séparés de Gilbert et de Monsieur de Bléré. Je n'ai appris leur départ que ce matin, et cela par un billet de mon vieux camarade. Ils sont partis l'un et l'autre pour Tiflis. S'ils y arrivent, ce sera un prodige. J'ai eu un instant la pensée d'envoyer des Cosaques à leur poursuite. Mais comment et par où? L'anxiété qui me dévore n'a pas échappé à Henri. Je lui ai tout dit. Du moins, s'il avait parlé, nous serions avec lui, s'est-il écrié. Ah, cruel enfant! Je ne serai tranquille que lorsque je reverrai Gilbert et M. de Bléré. Mais les reverrai-je jamais. Le prince B, qui a eu vent de cette escapade, a hoché la tête. Il a expédié des cavaliers dans toutes les directions. Le soir, ils sont rentrés sans avoir rien découvert. On a perdu la trace des fugitifs à 3 ou 4 lieues de notre campement. Il y a de la princesse Vassilissa là-dessous. Point de nouvelles. Henri et moi, nous ne vivons plus. Un officier d'état-major nous a offert de pousser une pointe vers Tiflis. Il est connu des principaux chefs, il passera. Henri l'a interrompu. Quand il s'agit de Gilbert, s'est-il écrié, si quelqu'un doit partir, c'est moi. J'ai lu dans ses yeux que sa résolution était prise. Je lui ai demandé quelques jours encore. Je vous accorde 2 fois 24 heures, m'a-t-il répondu, après quoi rien ne me retiendra plus. Je n'ai pas la force de le blâmer. Je suis fier de lui, mais quelle angoisse! Je sais seulement que s'il part, il ne partira pas seul. Rien encore. Henri ne quitte pas l'horizon des yeux. Il rôde autour du camp comme un chien de chasse qui a perdu son maître. Les rapports qui nous arrivent de tous les points de la montagne sont terribles. L'insurrection est partout. Comment auront-ils pu échapper à ce cercle de sabres et de fusils? Henri vient de me jeter un regard désespéré. « Ah, sans vous, mon père, je serais loin déjà, » m'a-t-il dit. « Nous allions partir. » Grâce à Dieu, un circassien nous est arrivé porteur d'une lettre cachée sous le cuir de sa selle. Je ne m'étais pas trompé. La princesse Vassilissa avait appelé Gilbert. Il ne me cache rien des circonstances qui ont marqué son départ. Je ne puis mieux faire que de transcrire son récit en mettant à la troisième personne ce qui, dans sa lettre, est la première. Ce matin-là, Gilbert, assis sur le bord d'un escarpement, tournait les yeux du côté de Tiflis. Était-ce un pressentiment? Il trouvait que la fusillade chômait. Pour tout régal, quelques balles échangées de temps à autre au crépuscule. Survient un courrier qui lui remet un billet, d'où s'exhale un léger parfum. Le billet ne contenait que ces quelques mots. Je donne un bal dans 4 jours et vous êtes inscrit pour la première valse. Tous mes amis me tiendront fidèle compagnie. Serez-vous de ceux qu'on ne verra pas près de moi? Gilbert chiffonna le billet entre ses doigts. Peut-être l'aurait-il embrassé si on ne l'avait pas regardé. Combien de temps me faudra-t-il pour aller à Tiflis? Demanda-t-il au courrier. 24 heures ou 3 jours, c'est selon. La route est donc difficile. La route non, mais le pays. Le courrier secoua son fourniment. Il en tomba 4 ou 5 balles. Ah, diable! Fit Gilbert. Le courrier lui raconta que 3 Cosaques de son escorte avaient été tués. Un pareil nombre s'était égaré, chemin faisant. Bref, il en manquait 7 ou 8 à l'appel. La montagne était sillonnée de bandes qui interceptaient toutes les communications. On ne pouvait passer que tambour battant, mèche allumée, et encore en livrant bataille. Gilbert, à la rigueur, pouvait confier son aventure au prince B, qui avait l'humeur trop galante pour lui refuser une escorte. Mais, se dit-il, ai-je bien le droit de faire tuer une demi-douzaine de pauvres soldats parce qu'il plaît à la princesse Vassilissa de valser avec moi? Ce scrupule l'arrêta. Cependant, sa parole était engagée. Quand la princesse vous a remis cette lettre, savait-elle que la montagne était comme un buisson rempli de vipères? Poursuivit Gilbert. Elle le savait, répondit le courrier. Gilbert fronça le sourcil. Cette découverte lui gâtait la princesse. Allons, fit-il. Je valserai, mais je partirai seul. Il s'agissait alors de ne pas perdre de temps. Monsieur de Bléré, auquel il s'ouvrit, chercha vainement à le détourner d'un projet qui avait tous les caractères de l'extravagance. Quand il lui eut surabondamment démontré que c'était une folie et qu'il le vit bien résolu à n'en pas démordre, « Eh bien, ajouta-t-il, il ne sera pas dit que vous l'aurez fait sans compagnon. Je pars avec vous. » Gilbert se récria. « Paix, répliqua Monsieur de Bléré, vous saurez, mon jeune ami, qu'au point de vue de l'entêtement, je ne le cède à personne. Donc plus un mot et dépêchons. » Le courrier qui avait apporté la lettre consentit pour une somme ronde à leur servir de guide. Il s'adjoignit de lesguins que des haines de tribu avaient poussés du côté des Russes et qui étaient gens à étrangler le Caucase pour satisfaire leur soif de vengeance. Et toute chose bien arrangée, un soir ils tirèrent au large secrètement. Le premier soin du guide fut de suivre un sentier qui s'en allait droit vers le nord. Sur l'observation de Gilbert qu'il n'avait pas dessein de gagner la mer Noire, « Monsieur, dit cet homme, quand un renard retourne au terrier, en plein bois, il prend par le plus long. » On fit 5 ou 6 lieues sans accident. Gilbert commença à croire qu'il avait eu affaire à un habile homme, désireux d'arrondir sa bourse à ses dépens, mais au petit jour, le courrier se pencha à son oreille. « Monsieur, rassemblez vos rênes, et à tout hasard, tirez un pistolet des fontes. Quand nous serons là-bas, où vous voyez un grand sapin qui est sur son rocher, comme un chandelier sur un autel, piquez les deux. Quelques douzaines de balles vont vous saluer. Serrez le flanc de la montagne. » À gauche, il y a un précipice où il ne fait pas bon de rouler. Si l'un de nous y tombe, ne regardez pas en arrière. Ah, prenez garde aux arbres, qui sont au travers du sentier, et franchissez-les au galop. Si quelques coquins nous veulent barrer le passage, fondez dessus et faites feu. Le défi est traversé, jetez-vous sur la droite en plein maquis. J'y connais un chemin où personne ne sera tenté de vous suivre. Les montagnards s'imaginent que des esprits y chevauchent nuit et jour. À la bonne heure, pensa Gilbert. Voilà qui prend tournure. On atteignit le sapin en 3 minutes, et les 5 cavaliers partirent comme la foudre. Presque aussitôt, ils furent accueillis par une formidable détonation. 20 balles ricochaient contre les pierres autour d'eux. D'autres balles tirées dans l'ombre les poursuivirent, égratignant le sol de tous côtés. Ils couraient à la file. Un tronc de chêne se présenta, barrant le chemin. On sauta par-dessus. « Ma foi, pensa Gilbert, si le bal que me promet la princesse est suivi d'un souper, je l'aurais bien gagné. » On ne soufflait mot. Le sentier s'élargit tout à coup et laissa voir sur l'un des flancs de la vallée un épais taillis de jeunes arbres. « Voilà le port !» cria le guide. Quand on fut à l'abri du feuillage, Gilbert et M. de Bléré se retournèrent. L'un des circassiens n'était plus là. « Paix aux morts !» dit le guide. Gilbert remarqua seulement alors qu'une balle avait percé le pommeau de sa selle. La petite troupe, diminuée déjà d'un de ses membres, campa dans le maquis. Tandis que les uns dormaient, le 4e cavalier faisait sentinelle. Les chevaux toussaient, les broutaient et s'ébrouaient. On donna 4 ou 5 heures au repos. « Maintenant nous avons Tiflis en face de nous, et jusqu'à la nuit nous pouvons nous promener à l'aise, » dit le guide. Des perdrix et des faisans partaient sous les pieds des chevaux. Monsieur de Bléré les suivait d'un œil attristé. Quelquefois sa main soulevait la crosse de son pistolet. « Quel parc que ce désert » murmura-t-il, et il faisait des coups doubles magnifiques en imagination. Un peu avant la nuit, on fit halte dans un fourré impénétrable. Quand l'ombre fut tout à fait noire, le guide mit pied à terre, entoura les sabots de son cheval d'un paquet de linge lié à ses naseaux pour lui rendre tout hennissement impossible, et le prenant par la bride, le tira hors du fourré. « Le taillis est bas, » dit-il, « si nous étions en selle, on nous apercevrait. Filons lestement et ne faisons pas de bruit. Vous verrez bientôt quelques canons de fusil briller au clair de lune. À la première alerte, sauté en selle et parti au triple galop. Le rendez-vous est à 3 lieues d'ici, droit devant nous, sur le bord d'une rivière, un endroit mais marqué par un gros bouquet de sycomores. On partit, le courrier en tête, le circassien en queue, Gilbert et M. de Bléré au centre. Au bout de 400 ou 500 pas, M. de Bléré poussa le coude de Gilbert. On apercevait par-dessus les arbrisseaux verts les longs canons de quelques fusils auxquels les rayons de la lune arrachaient des éclairs. Le silence de la nuit était si profond qu'on entendait le chuchotement d'un groupe de montagnards qui parlait bas. L'un d'eux aperçut le cheval de Gilbert, qui, plus jeune et plus impatient que les autres, secoua la tête. Il voulut s'élancer. « Laisse !» lui dit un camarade. « Un cheval qui erre, ce n'est rien. » Si la curiosité pousse quelques-uns de ces cavaliers vers nous, « jouons du sabre et des jambes, » dit le guide à demi-voix. « Le premier qui arrivera au sycomore attendra les autres. » Il serrait tout en parlant la sangle de son cheval et s'assurait que son sabre jouait sans peine dans le fourreau. « Et tout cela pour une valse ?» dit M. de Bléré qui l'imitait. On arriva sans encombre à la rivière, mais tandis que le guide cherchait le guet indiqué par un bouquet de sycomores, l'un des chevaux, dont les liens s'étaient desserrés, poussa un long hennissement. D'autres hennissements lui répondirent dans le voisinage et quelques cavaliers accoururent. On entendait le galop de leurs montures sans les voir. « Vite, à l'eau !» cria le guide. En 3 bonds, on fut au milieu de la rivière qui était large et coulait sur un lit de cailloux. Des montagnards parurent sur la rive que les aventuriers venaient de quitter, poussèrent de grands cris en les apercevant et firent feu. Leurs coups mal dirigés ne portèrent pas. Une minute après, M. de Bléré et ses compagnons touchaient la rive opposée. Un massif épais de broussailles en masquait la berge. Déjà, les circassiens poussaient leurs chevaux dans le gué, brandissant leurs armes. M. de Bléré échangea un regard d'intelligence avec Gilbert et, sautant de selle, s'embusqua derrière le tronc d'un platane. « S'il faut en découdre, dit-il, la place est bonne pour combattre. » Il tenait à la main un fusil de chasse à double canon dont il se servait depuis qu'il était en campagne. Gilbert se plaça près de lui. Les circassiens marchaient à la file, conduits par un cavalier couvert d'un manteau rouge qui paraissait être leur chef. Tous poussaient de grands cris. L'eau, fouettée par les pieds des chevaux que la lumière de la première aube mettait en gaieté, jaillissait en gerbe autour d'eux. « Fais comme moi et ne te presse pas, » dit M. de Bléré à Gilbert. Il l'épaula et tira. Le cavalier au manteau rouge jeta ses bras en l'air et tomba, le nez sur la crinière de son cheval. Un second coup partit et celui des circassiens qui suivaient le chef, atteint en pleine poitrine, roula dans la rivière où l'on vit 2 corps pesants descendre au fil de l'eau. À son tour, Gilbert fit feu et un 3e montagnard, qui s'apprêtait à riposter, lâcha son arme et chancela. Un bond de sa monture acheva de le désarçonner. « Ce n'est pas mal, mais c'est trop vite !» reprit M. de Bléré qui rechargeait son fusil. La troupe indécise semblait tenir conseil. Ceux-ci regardaient en arrière, d'autres faisaient mine d'avancer. Leur élan détermina le plus grand nombre qui poussa droit du côté de la berge occupée par les fugitifs. « Voilà que ça se complique. Ramasse-moi ta carabine et prends les fusils de nos 2 camarades. Il ne faut pas perdre un coup. » 3 fois il ajusta ceux qui marchaient en tête de la bande et 3 cavaliers, frappés l'un après l'autre, disparurent tour à tour dans le bouillonnement de la rivière où 2 de leurs compagnons atteints par Gilbert les suivirent bientôt en se débattant. « C'est mieux !» dit M. de Bléré qui se leva à demi et s'appuyant sur une branche, il se penchait en avant pour mieux voir. 12 de balles l'enveloppèrent en un instant. L'une d'elles brisa par le milieu la branche qui lui servait de point d'appui et il roula au bas du talus. Gilbert poussa un cri terrible et sauta au bord de l'eau à sa suite. « Mort, mort » disait-il. « Eh non, pas encore !» répliqua le Breton. « Mais ça sera bientôt fait si nous restons où nous voilà !» D'un geste impérieux, il força Gilbert qui le regardait à se coucher parmi les roseaux, et ils regagnèrent leur cachette en rampant. « Et c'est toujours pour une valse » reprit-il en amorçant son fusil. Cependant, les montagnards, épouvantés par les pertes qu'ils avaient subies, battaient en retraite. M. de Bléré, qui déjà allait coucher en joue, releva son arme. « C'est dans mon exemple, » dit-il. « Faisons-leur voir que nous n'avons pas de rancune. Imitons-les. » Au moment où Gilbert, tout pâle encore de l'émotion qu'il avait éprouvée, mettait le pied à l'étrier, il s'aperçut que le lesguin qui les accompagnait avait grand-peine à se soutenir sur son cheval. « Qu'est-ce ? » dit-il. Le circassien écarta un pan de son manteau et lui fit voir parmi ses vêtements une tache rouge d'où le sang coulait. Une balle perdue l'avait frappé en plein corps. Son visage restait impassible. « Si nous l'abandonnons, c'est un homme mort, » dit le guide. « Mieux vaut encore qu'il galope avec nous. » On hissa le blessé sur son cheval et il partit, la main nouée au pommeau de la selle. Il ne se plaignait pas, mais on voyait la trace d'une souffrance atroce dans ses yeux. Monsieur de Bléré, qui courait à côté de lui, ne le perdait pas de vue. « Il n'ira pas longtemps, » dit-il. Au bout d'une ou deux lieues, qu'on fit dans un grand silence, le blessé fit un signe de la main. Une pâleur terreuse venait de se répandre sur ses traits qui conservaient encore les dehors de l'impassibilité. On s'arrêta, et il se laissa glisser de cheval plutôt qu'il n'en descendit. « Regarde cet homme, » dit le Breton à Gilbert. « J'ai eu bien souvent l'occasion de remarquer qu'il n'y a que les sauvages qui savent mourir. »« Les sauvages et les chrétiens, » ajouta-t-il après un instant de réflexion. Le circassien se coucha au pied d'un arbre et, prenant un chapelet qu'il avait à la ceinture, l'égrena d'une main défaillante. Ses lèvres remuaient faiblement. « Il a une femme, » dit le guide. « Dis-lui qu'elle aura du pain, des vêtements, un toit, » répliqua Gilbert. Le guide se pencha à l'oreille du montagnard qui déjà ne voyait plus et lui parla bas. Le moribond sourit. Au bout de quelques instants, ses lèvres devinrent immobiles et ses mains tombèrent sur ses genoux. « C'est fini, » dit M. de Bléré qui fit le signe de la croix en face de ce mahométan. « Le laisserons-nous sans sépulture ?» poursuivit Gilbert. « Et exposer, lui qui nous a servi, aux morsures des bêtes fauves ?»« Non, certes, » répondit le Breton. « Dussent toutes les tribus du Caucase nous surprendre. » On se mit à l'œuvre, et une fosse fut creusée profondément où on ensevelit le mort, le visage tourné du côté de l'Orient. Ses armes suspendues à l'arçon de sa selle et son cheval pris en main par le guide, on partit de nouveau. Bientôt après, une route libre s'ouvrit devant les fugitifs et le soir du même jour, ils arrivèrent sans encombre à Tiflis.